L'actualité à Nancy et ailleurs. Maxime Uriot, bonjour. Bonjour. La société Lorraine d'Horticulture de Lunéville nous invite à vivre une nouvelle édition de la Saint-Fiacre, une tradition vieille de 360 ans et qui a fait son retour l'année dernière après 30 ans d'absence, ce sera le 4 février. Saint-Fiacre, le patron des jardiniers, c'est ça ? Exactement, le patron des jardiniers et des cochers, entre autres. Il y a une petite histoire avec les cochers. Mais oui, c'est le patron des jardiniers. Alors, c'est un Irlandais ou un Écossais, on ne sait pas trop, un religieux, vers les années 600, au début des années 600, qui est venu en France et puis qui a eu un petit bout de terrain près de Meaux et puis qui a commencé à développer le maraîchage. Il était spécialisé en plantes médicinales. En quoi va consister cette célébration de la Saint-Fiacre à Lunéville ? Eh ben, c'est une célébration en l'honneur des jardiniers qu'on fait normalement le 30 août, mais on voulait pas faire concurrence à celle de Nancy. Et il y a eu une époque où ils fêtaient aussi le début des cultures et la fin des cultures. Donc nous, on le fait en février pour le début des cultures. Et en fait, ce sera une messe avec un décor, bien sûr, sur le thème du maraîchage, donc des légumes, des fruits. Une petite messe, on apporte la statue sur l'autel pour lui rendre hommage, et puis des chants autour de la Saint-Fiacre. Je le disais en introduction, ça faisait 30 ans que ça n'avait pas eu lieu à Lunéville. Comment s'est fait un peu cette renaissance ? Nous, étant société d'horticulture de Lunéville, on essaye de remettre entre guillemets au goût du jour le maraîchage qui s'est perdu aux alentours de Lunéville. Donc le melon de Lunéville et la Saint-Fiacre qui paraissait bien pour les gens parce que c'est une belle célébration. Et ensuite, les anciens maraîchers nous en ont parlé. Et en fait, la statue a été retrouvée chez un maraîcher. De là, ils nous l'ont ramené, ils ont pris contact avec nous et on a décidé de refaire cette messe qui avait été perdue depuis plus de 30 ans. Il faut savoir que Lunéville, dans les années 50-60, était une des villes les plus maraîchères de France. Donc il y a quand même une petite histoire au niveau du maraîchage et de l'horticulture. Et l'histoire de cette statue que vous avez donc retrouvée, elle est ancienne aussi dans l'histoire de la commune ? Dans l'histoire de la commune, elle doit dater des débuts du maraîchage après-guerre, vers 1940-1950, où il y avait vraiment des grosses messes, beaucoup de maraîchers, horticulteurs et pépiniéristes, hein, bien sûr, aux alentours de Lunéville. Donc en fait, à chaque célébration de la Saint-Fiacre, on donnait la statue à quelqu'un qui devait la garder pendant un an et qui normalement devait faire un repas pour les autres. Bon, maintenant, on organise le repas, on fait un petit pot de l'amitié à la fin de la messe. Et en fait, chaque année, elle était dans une nouvelle famille et elle était gardée sur la cheminée. C'était comme un porte-bonheur. Donc on la retrouvera, cette statue, bien pour la célébration qui aura lieu le dimanche 4 février à 10h30. Ce sera en l'église Saint-Jacques, place Saint-Rémy à Lunéville, bien entendu. Et comment ça s'était passé, donc cette reprise l'année dernière de la Saint-Fiacre ? Vous aviez eu du monde ? Très bien, l'église était pleine. Alors il a fallu mettre en place les choses avec le curé, puisque c'est une nouvelle chose. Donc il a validé le processus, donc il a bien voulu nous faire une messe en l'honneur de la Saint-Fiacre avec des chants bien spéciaux. Et puis amener la statue, puisque ça bouleverse un peu sa messe, on va dire. Mais bon, c'est une messe, il s'est pris au jeu. Et vu qu'il y a eu beaucoup de monde, les gens étaient intéressés. Les anciens maraîchers à la retraite étaient venus aussi, puisqu'ils l'avaient connu jeune. Et voilà, tout le monde était content. C'était une belle messe. L'église est jolie, la décoration était jolie. C'est très sympathique. Une renaissance donc qui est possible grâce à la société Lorraine d'Horticulture de Lunéville, vous nous l'avez dit, qui est déjà aussi à l'origine de la renaissance du melon de Lunéville. C'est vous qui portez la fête du potimarron, la fête des plantes, des rendez-vous bien sûr qu'on va retrouver cette année. Oui, exactement. Toujours fête des plantes, dernier week-end d'avril, fête du potimarron, dernier week-end de septembre. Et ça nous tient à cœur parce que je pense que ça fait un peu vivre la commune de Lunéville, bien sûr. Et puis les gens sont toujours contents de nous retrouver chaque année parce que ça reste des petits événements, on va dire, familiaux, où il y a une bonne ambiance. Les produits, c'est des producteurs locaux. Donc on tient à ça, à vraiment faire travailler les producteurs locaux. Et... voilà, ça permet de fédérer un peu tous les acteurs du maraîchage et les acteurs locaux aussi. Bien sûr, oui, puis de faire revivre un peu le maraîchage, puisque c'est d'actualité. On espère avoir de plus en plus de maraîchers qui viennent, de producteurs, de jeunes producteurs ou anciens, biologiques ou pas biologiques. Enfin, vraiment faire travailler les personnes qui sont aux alentours de Lunéville et puis redynamiser un peu l'économie de l'agriculture, entre guillemets. Alors ce rendez-vous bien de la Saint-Fiacre, ce sera l'occasion de venir aussi à votre rencontre, hein, déjà de fêter cette renaissance et ce renouveau du maraîchage et puis des jardins aussi, hein, c'est ouvert à tous les jardiniers, et de venir vous rencontrer et de connaître un peu mieux la société Lorraine d'horticulture de Lunéville. Ah, bien sûr, avec grand plaisir, vous pouvez venir discuter avec nous, quels que soient les membres de l'association, on a tous des petites histoires, chacun a vécu. Il y en a qui sont là depuis 30 ans à la société d'horticulture, puisque avant c'était une grosse société d'horticulture qui était même en collaboration avec Gerbézilé. Nous-mêmes, on est en collaboration avec la Saint-Fiacre de Nancy. On a tous quelque chose à raconter et puis on est très content d'avoir de nouvelles personnes. On manque de bénévoles, même si des gens veulent s'inscrire, ce serait avec grand plaisir pour pouvoir perdurer dans le temps, parce que c'est vrai que c'est pas facile l'associatif, mais on fait tout pour pouvoir organiser ces événements. Voilà, et bien une occasion de venir vous rencontrer, c'est donc cette célébration de la Saint-Fiacre d'hiver à Lunéville le dimanche 4 février à 10h30 en l'église Saint-Jacques, place Saint-Rémy, et bien sûr on retrouve toutes les infos sur la société Lorraine d'Horticulture en vous cherchant sur internet. Oui, internet et puis Facebook, il n'y a aucun problème, on essaye de mettre des photos, on met les affiches au fur et à mesure, il y a nos contacts. Si jamais vous voulez nous contacter, peu importe laquelle personne, vous n'hésitez pas à poser les questions, on vous répondra le plus vite possible. Et puis si vous voulez des infos, voilà, on essaie de communiquer le plus possible. Et n'hésitez pas, vous, à communiquer à vos amis, à vos connaissances, à votre famille. Merci beaucoup, Maxime. Et ben, merci à vous beaucoup. Et puis j'espère, si vous pouvez, que vous serez présent et que ce sera une belle messe. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.